Jeudi 25 octobre, relations humaines en Christ. Le christianisme est une religion de relations. Relations avec Dieu et relations les uns avec les autres. Cela n'a aucun sens de prétendre avoir une relation avec Dieu si cette relation n'a pas d'impact sur les relations que l'on a avec les autres. On ne peut pas vivre le christianisme dans une bulle. Les principes d'unité que Paul évoque dans son épître aux Éphésiens sont également applicables à la manière dont nous entrons en relation avec les autres. Lisez Éphésiens 5, les versets 15 à 21. Que nous dit Paul au verset 21 ? Quel est le lien entre la soumission et l'unité ? L'exhortation de Paul à se soumettre les uns aux autres est liée à l'expression « rempli par l'Esprit » dans Éphésiens 5 au verset 18. L'une des expressions de l'effusion de l'Esprit est la soumission les uns aux autres. Cela renvoie à l'attitude d'humilité et de prévenance que nous devrions avoir envers autrui. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un attribut inné de la plupart des personnalités. C'est l'Esprit qui habite dans notre cœur qui permet cela. C'est un don du même Esprit qui est le lien de l'unité en Christ. Vu sous cet angle, la soumission est une qualité intérieure qui exprime notre révérence pour Christ et son sacrifice en notre nom. Lisez Éphésiens 5, les versets 22 jusqu'au chapitre 6, verset 9. Quel impact sur nos relations humaines cette qualité de soumission mutuelle a-t-elle au foyer et au travail pour celui qui croit en Christ ? Dans une certaine mesure, l'unité dans l'Église dépend de l'unité au foyer. Paul souligne que l'unité, l'amour et le respect qui devraient exister entre mari et femme doivent être l'illustration de l'amour de Christ envers l'Église, un amour qui se sacrifie. Ainsi, le respect chrétien au foyer ainsi que dans l'Église est requis des maris, des épouses et des membres d'Église. Cet attribut chrétien doit également être visible dans les relations entre enfants et parents et entre employés et employeurs, esclaves et maîtres. L'harmonie et la paix qui devraient imprégner nos foyers devraient également imprégner notre vie d'Église. Quels principes pouvez-vous retirer des versets d'aujourd'hui pour vous aider à mieux comprendre la manière dont vous devriez agir selon la situation envers un membre de votre famille ou un collègue de travail ?